Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le siège de Sarajevo. La capitale bosniaque a subi d'intenses bombardements ce matin. Des quartiers entiers ont été incendiés. Radio Belgrade a fait état de tirs d'artillerie à Pale et à Rajlovac, des faubourgs serbes de Sarajevo. Cet avant-midi, des obus sont tombés près de la bibliothèque de l'Académie des sciences en flammes, empêchant les pompiers de s'approcher pour faire leur travail. Le 26 août 1992, la guerre de Bosnie fera, en cette seule journée, 30 morts et plus de 260 blessés. À Sarajevo seulement, 12 000 personnes vont perdre la vie durant le long siège de la ville. Entre avril 1992 et octobre 1995, l'armée serbe va pillonner jour après jour et sans relâche la ville de Sarajevo. L'Europe, le monde assisteront les bras croisés aux horreurs de la guerre en ex-Yougoslavie avant de se décider enfin à intervenir en 1995. Il y a encore 250 000 à 300 000 habitants à Sarajevo en ce moment. Par rapport à quoi? Par rapport à 600, 650 000 que comptait la ville, avec tous les entourages qui sont maintenant pris par l'occupateur. C'est-à-dire que, disons, dans la ville même, il y avait à peu près 400 000, 1000 habitants avant-guerre. Maintenant, ils sont 250, 300 000. Et c'est encore une population, appelons-la multiethnique, si vous voulez? Ce sont des gens de Sarajevo, c'est absolument multiethnique, c'est multiconfessionnel. Ce sont des gens qui défendent Sarajevo, c'est-à-dire la ville, contre cette agression qui tient compte de rien, quoi. Le cinéaste bosniaque Nenad Dizdarević au micro de René Mayotte à l'émission Les Actualités en décembre 1992 pour nous raconter ce long siège de Sarajevo. Je reçois Philippe Leroux-Martin qui a travaillé à la mise en œuvre des accords de paix de Dayton pour le bureau du haut représentant pour la Bosnie-Herzégovine entre 2003 et 2008, qui est actuellement directeur des programmes État de droit, justice et sécurité à l'Institut pour la paix des États-Unis à Washington. Philippe Leroux-Martin, bonjour. Bonjour. Ce siège de Sarajevo commence donc le 6 avril 1992, ça va durer quelques années. Comment expliquer qu'on en arrive là? Quel contexte explique qu'on en arrive à ce siège? Donc la guerre arrive à Sarajevo un peu par un effet de domino. Alors la désintégration de la Yougoslavie s'est manifestée de la façon suivante. Alors il y a eu des déclarations d'indépendance successives. Alors la Slovénie s'est déclarée indépendante, la Croatie s'est déclarée indépendante. Plutôt en 92, hein, plutôt, c'est ça? Oui, en 91-92. C'est assez fluide. Ouais. Et donc plutôt. Et donc au début de 92, la Bosnie va se déclarer indépendante au mois de mars 1992. Et à partir du mois d'avril, donc le début du mois d'avril, la communauté internationale reconnaît la Bosnie comme étant un État indépendant. Et immédiatement, suite à la reconnaissance internationale de la Bosnie, le siège de Sarajevo commence. Le jour même, en fait, il y a un référendum qui se tient sur deux jours, et le 1er mars, déclaration de l'indépendance. Le 6 avril, le jour du début du siège, c'est le jour même où l'Union européenne, entre autres, reconnaît l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine, que commence le siège. Oui, oui. Alors, c'est vrai, les dates coïncident, mais le processus d'accession à l'indépendance et le processus par lequel la guerre est arrivée à Sarajevo était plus fluide, oui, plus nuancé que ça, en ce sens que les gens voyaient que la guerre se propageait sur le territoire yougoslave. Et beaucoup de gens à Sarajevo, lorsqu'on parle aux gens à Sarajevo, la plupart des gens vont dire qu'ils ne croyaient pas que la guerre allait arriver à Sarajevo. Mmh. Alors, ils voyaient que la guerre se propageait en Slovénie, en Croatie, sur certaines portions du territoire de Bosnie-Herzégovine. Mais les gens se disaient que la guerre n'arriverait jamais à Sarajevo. Ça, c'est important de comprendre parce que les gens percevaient et connaissaient et voyaient Sarajevo comme étant une ville multiethnique. Donc, on référait à Sarajevo comme la Jérusalem d'Europe. Ouais. Et les gens se percevaient comme étant pas trop tolérants, mais extrêmement tolérants, ouais, trop sophistiqués, en fait, pour devenir l'objet d'un conflit qu'on percevait comme étant un conflit barbare, nationaliste, ouais, qui se propageait ailleurs. Il y avait une fierté, en fait. En fait, il y a des auditeurs qui se souviendront probablement de ces fameux Jeux olympiques d'hiver de 84. Il y avait des reportages à l'époque. Mm-hmm. En fait, toute la Yougoslavie, mais Sarajevo, effectivement, mm-hmm, c'était une ville exemplaire de cohabitation harmonieuse entre différents groupes ethniques et religieux. Et puis, paf, tout ça s'écroule très rapidement. On écoute à nouveau, justement, le cinéaste bosniaque Nenad Dizdarević à l'émission Les Actualités en décembre 92 parler de tout ce qui a disparu si vite. Il y a 8 ans, personne ne se demandait si à Sarajevo, il y a les Serbes, les Croates et les Musulmans. C'était les gens de Sarajevo qui accueillaient les sportistes de tous les pays, venant de tous les pays. C'était un lieu très sûr où tout le monde se sentait en sécurité absolue. Ce sont vraiment des débiles mentaux qui ont commencé à détruire cette ville, détruire la Bibliothèque nationale, l'Institut oriental, tout ce qui fait une preuve de cette cohabitation qui dure depuis le XVIIe siècle ou même avant. Que se passe-t-il, Philippe Leroux-Martin, au début des années 90, fin des années 80 déjà même, pour que cette ex-Yougoslavie éclate politiquement, pour qu'il y ait une telle tension, une telle dégradation des rapports entre groupes ethniques et religieux? Plusieurs grands facteurs historiques. Donc, au début des années 80, Tito, le grand leader de la Yougoslavie socialiste, meurt. Et n'a pas de successeur, mais sa succession est assurée par des groupes ou une présidence collective, en fait. Et ceci mène ensuite à l'arrivée du multipartisme en Yougoslavie, la montée des partis nationalistes. Et à Belgrade, Slobodan Milosevic qui décide de rompre avec la politique d'unité et de fraternité entre les peuples qui avait été maintenue et promue par le régime yougoslave, décide de suspendre le statut spécial du Kosovo et de la Voïvodine, de sorte à pouvoir retravailler l'architecture constitutionnelle de la Yougoslavie et donner plus de pouvoir à la Serbie dans l'arrangement constitutionnel yougoslave. Et ce qui a eu un effet immédiat de domino, comme on le mentionnait un peu plus tôt, parce que les autres républiques, la Slovénie, la Croatie, la Bosnie, ont refusé d'évoluer au sein d'un arrangement constitutionnel qui allait être dominé par les Serbes et la Serbie. Et c'est comme ça que la guerre est arrivée et que les objectifs nationalistes ont été promus. Poussée nationaliste, le rêve de la Grande Serbie, qui était celui de Milosevic, c'est ça qui fait qu'on s'attaque au fond à l'espèce de contrat social de la Fédération yougoslave. Un point d'équilibre. Un point d'équilibre. Oui, que Milosevic a rompu et qui a entraîné toutes sortes de répercussions qu'on ne pouvait plus prévoir et des réactions, des contre-réactions dans le système qu'on n'a pas était en mesure de gérer. Le siège de Sarajevo, on y revient, débute donc le 6 avril 92. Pourquoi l'armée serbe décide d'attaquer la ville? Bon, il y a plusieurs raisons. Donc, il y a une situation démographique et géographique qui précède le siège de Sarajevo, qui a invité le siège, en fait, à titre de tactique militaire. Et je m'explique. Donc, Sarajevo est une vallée et est construite dans une vallée. Et la ville est entourée de montagnes. Donc partout à Sarajevo, où on regarde, on est toujours entouré d'une montagne, de grandes montagnes. Et il y avait donc, avant la guerre, des populations majoritairement serbes qui habitaient les régions rurales autour de Sarajevo, près des montagnes. Donc il y avait déjà un siège démographique, si on veut. Et donc, lorsque le conflit s'amène et que les gens commencent à poser leurs pions, il a été peut-être plus facile pour des forces irrégulières serbes de prendre position auprès des montagnes et d'être joints ou d'être soutenus par l'armée nationale yougoslave, qui à ce moment-là était devenue un peu l'instrument de Milosevic à Belgrade, donc qui s'appelait encore l'armée yougoslave nationale, mais qui était une armée qui était devenue l'instrument d'une politique pro-serbe, prônée par Milosevic à Belgrade, qui est venue soutenir les positions irrégulières autour des montagnes. Et donc, on décide d'assiéger la ville. Mm-hmm. On peut voir très bien, avec ce que vous venez de nous décrire comme une situation géographique, c'est un immense piège, cette ville. Elle est entourée de ses forces serbes, de sympathisants serbes, de l'armée yougoslave, et on pillonne. Oui. Et c'est ça qui va se passer pendant presque 4 ans, là, jour après jour après jour. Comment ça va se dérouler, ce siège-là, au quotidien? Mais comme vous le décrivez, donc il y a des forces qui ont pris position sur le sommet des montagnes et qui vont chercher à asphyxier, à pillonner en fait la ville par des bombardements. Alors il y a beaucoup de bombardements, mais il y a aussi des snipers qui sont partout situés auprès de la ville qui vont tirer sur des civils Et donc, ça fait en sorte que la vie régulière, tout est suspendu à Sarajevo. Donc, les gens continuent, malgré eux, de tenter d'aller au marché. Les enfants tentent d'aller à l'école, mais doivent toujours s'exposer à la possibilité d'une bombe ou d'un bombardement ou s'exposer à des tirs de sniper. Il y a tout un système, des itinéraires qui s'étaient construits où les gens prenaient une rue plutôt que l'autre parce que l'angle les protégeait ou diminuait les risques. Alors, il y a tous ces calculs qui se faisaient au quotidien pour pouvoir vivre ou survivre, ouais. En fait, dans une ville qui était assiégée. Et qui était tremblée aussi, oui. Sur le plan de l'eau, sur le plan des... On cultive des... On se fait un petit potager sur son petit bout de terre, sur son balcon. C'est ça la réalité des gens à ce moment-là. Oui, exactement. Ouais. Alors, les gens survivent, donc cherchent à survivre, cherchent à... Il n'y a pas d'autre mot que, ouais. Que ça. Au milieu, ce qui est quand même fascinant, au milieu de cette difficulté, de cette horreur au quotidien, on va assister dans ce Sarajevo assiégé à des manifestations culturelles, à des fêtes populaires, à la célébration de la vie. Il y aura même un concours de beauté, mm-hmm. Miss Sarajevo, mm-hmm. Qui va être organisé en mai 93 au beau milieu des bombardements. Mais il y aura toutes sortes d'autres exemples de... C'est de la résistance passive, mm-hmm. de la résilience aussi. Mm-hmm. Formidable, parce que comment les habitants de cette ville vont réagir. Oui, et c'est ce que je trouve de plus humain et de plus beau lorsqu'on parle du siège de Sarajevo et lorsqu'on pense aux gens de Sarajevo. C'est ce qui est de plus touchant, c'est ce qui est de plus beau, c'est ce qui est de plus inspirant, en fait. Malgré le siège, malgré les bombardements, malgré les tirs de snipers, les gens ont refusé d'être l'objet d'une volonté guerrière et ont décidé, malgré tout, d'organiser des activités qui leur permettaient de survivre. Et lorsqu'on parle aux gens de Sarajevo, souvent ils vont dire « on nous a coupé l'eau, on nous a coupé l'accès à nos écoles », mais on est demeuré capable d'organiser des activités qui viennent nourrir notre âme, et ça c'est à nous, et il n'y a personne qui peut venir nous le prendre. Mm-hmm. Et ça c'est l'âme de Sarajevo, et on continue malgré le siège à maintenir et à croire que Sarajevo demeure un endroit multiculturel, un endroit qui est attaché, qui est profondément attaché à la culture, aux activités culturelles. Et c'est ce qui est le plus beau, je trouve, dans l'histoire du siège. Et ça donnera des grandes fêtes en musique, ça donnera, et en danse, ça donnera un festival de cinéma. Il y aura vraiment plein de manifestations de résistance, au fond, des habitants de Sarajevo. Pendant ce temps-là, pendant quelques années, l'Europe assiste à ces horreurs de cette guerre en ex-Yougoslavie, les bras à peu près croisés. Il y a des voix, certaines voix qui vont s'indigner, entre autres celle de l'intellectuel français Alain Finkielkraut, qu'on écoute ici à l'émission « En attendant l'aube » en mars 1994. En 1988, la Serbie de Slobodan Milošević a supprimé les autonomies de la Voïvodine et du Kosovo, a instauré au Kosovo un régime de terreur et de ségrégation qui est absolument abominable, qui est une insulte en Europe à tous les principes sur lesquels l'Europe est fondée. Et au lieu que les 12 réagissent et mettent Slobodan Milošević au banc des nations, ils sont restés indifférents. De même, ensuite, lorsque, devant l'intransigeance serbe, la Slovénie et la Croatie ont fini la mort dans l'âme par déclarer leur indépendance, l'Europe, au lieu de les soutenir, a, au nom de l'intégrité territoriale de la Yougoslavie, donner une sorte de feu vert à la guerre menée par Slobodan Milošević. La principale erreur procède donc d'une mauvaise analyse de la situation. Et alors, quand il était encore temps de sauver la Yougoslavie en soutenant les républiques qui voulaient la transformer dans un sens démocratique et confédéral, l'Europe n'a pas su agir. Et au lieu... Comment expliquer le mutisme européen sur cette question de l'ex-Yougoslavie à ce moment-là, Philippe Leroux-Martin? Je crois qu'une des explications est liée à la structure même de l'Union européenne et de sa politique étrangère. Et donc, la guerre en Yougoslavie a été le premier grand test, ou un des premiers grands tests de la diplomatie européenne. Et je crois que la guerre a révélé non seulement des fissures, mais des problèmes ou des vices cachés, en fait, dans la construction européenne et dans la capacité de l'Union européenne de formuler une politique étrangère commune et de mettre en œuvre une politique étrangère commune. Et donc, la guerre de Yougoslavie, la guerre en Bosnie, le siège de Sarajevo ont démontré, parfois de façon très, très pénible, l'incapacité d'une politique étrangère commune ouais. de l'Union européenne de venir mettre fin à un conflit violent qui était à sa porte. Mmh. Et c'est évidemment, cette politique, c'est le résultat d'hommes et de femmes qui sont à la tête des différents pays de l'Union. Il y aura en 1995 l'élection du président Jacques Chirac en France et ça va être un point tournant dans cette guerre de Bosnie. De quelle manière, quel rôle jouera la France de Chirac pour la suite des choses? Donc, c'est une perspective européenne que de dire que l'élection de Chirac est venue changer la donne. Ou je crois, et ça c'est mon opinion, que c'est plutôt le retour des Américains ouais. et l'intérêt qu'ont porté les Américains à la Yougoslavie et à la Bosnie qui est venu changer la donne. Et Chirac s'est inscrit, je crois, dans cette mouvance-là. Chirac voulait une politique européenne plus agressive, disons, mais le constat d'échec en Europe a été fait à Washington. Oui. Et Washington avait décidé de laisser à l'Europe le soin de gérer la crise yougoslave. Et après 3-4 ans d'échec continu, Washington, donc c'était à l'époque le président Clinton et son diplomate en chef pour la question de Bosnie qui était Richard Holbrook, ont décidé de reprendre le contrôle de l'agenda. Et Chirac soutenait, je crois, ouais. une approche plus agressive de la communauté internationale en général. Et ça va conduire, de fait, et ce sera signé aux États-Unis, au mm-hmm. fameux accord de Dayton, qui sera l'espèce de grand accord de paix qui mettra fin au conflit. En un mot, que prévoit cet accord-là? La chose la plus importante, c'est la fin du conflit armé, ouais. la fin des hostilités. Donc ça, c'est le côté militaire de l'accord, mais il y a un côté civil. Donc il y a toute une série de mesures qui étaient prévues par l'accord, mais principalement, l'accord est venu poser la nouvelle structure constitutionnelle de la Bosnie-Herzégovine. Et donc c'est un accord sur le partage du pouvoir politique. Et donc, l'accord de Dayton est venu reconnaître la Bosnie comme étant un État indépendant, ou confirmer que la Bosnie était un État indépendant, mais est venu diviser l'État en deux entités, donc une structure fédérale composée d'un gouvernement central très faible et deux entités, donc la République serbe, ainsi que la Fédération de Bosnie-Herzégovine, ouais. qui sont devenues deux entités fédérales d'un gouvernement central relativement faible. Donc, créer une fédération mm-hmm. pour ce territoire nouveau de Bosnie-Herzégovine. Une structure extrêmement complexe, en ce sens qu'une des entités fédérales ou fédérées est une fédération en elle-même qui compte des cantons à majorité bosniaque, musulmane ou croate. Donc, une structure très, très complexe. Ouais. Ce qui fait que le siège se terminera finalement. De fait, il se termine quand officiellement, ce siège de Sarajevo? Bon, sur papier, ça se termine au mois de novembre 1995 avec la signature des accords de Dayton, mais il faut laisser plusieurs mois au processus de démobilisation pour prendre place. Donc, février-mars 1996 est souvent reconnu comme la fin du siège de Sarajevo. Qu'est-ce qui reste? Grande question. Qu'est-ce qui reste de cette horreur du siège de Sarajevo, de la guerre de Bosnie, dans la tête, dans le cœur de la population? Je vous propose d'écouter Serdjan Dizdarević du Comité des droits de l'homme d'Helsinki. Il en parle à la journaliste belge Françoise Valmack à l'émission Dimanche Magazine en avril 2001. Ça a laissé d'abord beaucoup de malheur dans beaucoup de familles qui ont perdu leurs proches. Maintenant, on parle de 160 à 170 000 tués dans la guerre en Bosnie, ce qui veut dire que pratiquement chaque famille aurait perdu quelqu'un. Il y a le malheur des déplacés qui n'ont pas tous réussi à revenir là où ils habitaient avant 92. Il y a les traumatismes psychiques, il y a beaucoup de personnes handicapées, il y a beaucoup de veuves, d'orphelins. Et puis on voit que la santé des gens est très, très fragilisée par cette guerre. Les gens meurent à Sarajevo à l'âge de 40 ans, 37 ans, avec des cancers qui se développent d'une façon foudroyante, des crises cardiaques fatales, toutes sortes de maladies beaucoup plus fréquentes et beaucoup plus étranges que celles qu'on a connues avant la guerre. Il y a aussi beaucoup de suicides après la guerre. Oui, il y a beaucoup de suicides. Il y a plus de suicides qu'avant. Les gens ne voient pas d'issue et certains d'entre eux trouvent la solution en se suicidant. Vous avez été sur le terrain, Philippe Leroux-Martin, entre 2003 et 2008 pour le bureau du représentant pour la Bosnie-Herzégovine. Qu'est-ce que les gens vous disaient? Qu'est-ce qu'il reste de cette guerre dans leur tête et dans leur cœur? Des blessures, une blessure profonde, des traumatismes, beaucoup, beaucoup, beaucoup de tristesse aussi dans le regard des gens, dans le cœur des gens. Lorsque les gens, les amis nous parlent à Sarajevo, il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de nostalgie pour la Yougoslavie d'avant-guerre où tout le monde s'entendait, cette image d'une Yougoslavie ou d'une Bosnie multiculturelle. Je crois que les gens sont profondément tristes en général. Et il y a une histoire célèbre qui a pris place durant le siège, que plusieurs journalistes ont appelé l'histoire de Roméo et Juliette de Sarajevo. C'est l'histoire d'une Bosniaque musulmane et d'un Sarajevin d'origine serbe qui sont devenus amoureux et qui ont tenté de fuir la ville de Sarajevo lorsqu'elle était assiégée. Et lorsqu'ils ont tenté de fuir, ils ont été abattus par des snipers sur un pont à Sarajevo. Et donc, l'homme a été abattu et sa copine n'a pas été abattue. Et elle s'est rangée, est venue se coller contre lui pour mourir avec lui sur le pont de Sarajevo. Et ils sont morts ensemble sur le pont de Sarajevo, un Serbe et une Bosniaque musulmane. Et non seulement cette histoire est tragique, mais ce qui est venu par la suite est encore plus tragique. Ils sont restés sur le pont pendant une semaine parce que les parties n'arrivaient pas à s'entendre, à savoir qui pouvait aller sur le pont récupérer les corps. Et ils sont restés là comme des carcasses d'animaux sur le bord de la route pendant une semaine. Et je crois que ce qui est mort cette journée-là, c'est non seulement deux personnes exceptionnelles qui s'aimaient, mais c'est l'idée, en quelque part, où il y a une partie du cœur des gens qui a été profondément blessée parce qu'ils ont vu devant eux, avec cette histoire-là et toutes les histoires qui se sont déroulées durant le siège, une image, une vision de la Bosnie mourir avec ces personnes-là sur le pont. Et on le ressent à chacune des conversations qu'on peut avoir avec des gens à Sarajevo aujourd'hui. Merci en tout cas, Philippe Leroux-Martin, de nous avoir fait, mis ça en contexte et nous avoir permis de comprendre ce que ça a été, ce siège de Sarajevo, très concrètement. Merci beaucoup. Je vous en prie. Philippe Leroux-Martin, je vous le rappelle, de l'Institut pour la paix des États-Unis à Washington. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Si Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.